détestent les femmes. Quant aux hommes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 12 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Jules, ça vient du latin de la famille romaine de Iule. Autoritaires, directs et francs, les Jules peuvent paraître impressionnants et dégagent un magnétisme certain. En général méfiants, ils ont besoin de preuves pour s'engager pleinement. Pourtant, ils sont curieux, savent prendre des risques et s'engagent volontiers dans la voie de la nouveauté et des changements. Ils sont pris entre deux tendances contradictoires. La première les pousse à rechercher la sécurité, la protection et à opter pour la stabilité. Quant à la seconde, elle les pousse à se dépasser. Ils auront besoin de regarder plus haut ou plus loin pour progresser et de se remettre ainsi en question. On verra alterner ces deux attitudes face à la vie. Ils se montreront capables d'efforts continus, d'opiniâtreté et suivront un chemin régulier jusqu'au moment où la monotonie leur deviendra insupportable et où un désir de nouveauté se fera sentir. On notera cette même alternance face à l'argent. Ils peuvent accumuler, placer leur économie pour les faire fructifier pendant des mois, pour tout dépenser au moment où l'on s'y attend le moins. Ils sont sociables, charmants, ouverts et recherchent les contacts pour devenir taciturnes quelques temps après. Réfléchis, courageux et combatifs, ils savent saisir les opportunités. Ils sont en général matérialistes et ne manquent pas de bon sens. Ils ont besoin du travail pour s'affirmer et ne savent pas rester inactifs. Entêtés, ils ont tendance à penser que ce qu'ils font, les autres peuvent le faire aussi. Cela peut entraîner quelques conflits avec leurs proches. Dicton du jour, à la Saint-Jules, le mauvais temps n'est pas installé pour longtemps. À Saint-Jules, les Sansonnets tiennent ménage dans les clochers. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la nuit de Youri, célébrant le premier vol spatial habité par Youri Gagarine en 1961 et le premier vol d'une navette spatiale américaine Columbia. Aux États-Unis, c'est la journée nationale de la réglisse et en Russie, c'est la journée de la cosmonautique ou journée des cosmonautes, pardon, journée astronautique commémorant le premier vol spatial de Youri Gagarine. Et dans les événements qui se sont déroulés, 12 avril 1893, inauguration de l'Olympia, la célèbre salle de spectacle parisienne. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Jean-Louis Aubert et son titre Alter Ego. Alter Ego de Jean-Louis Aubert sur RGM. Il est presque 8h37, on parle anniversaire avec tous ceux qui sont nés un 12 avril 1932. Naissance de Jean-Pierre Mariel, acteur français vu dans Le Grand Bluff, Que la fête commence. Da Vinci Code dans le rôle de Jacques Saunière. D'ailleurs, il est passé à la télévision hier soir. Vu dans le film Les Seigneurs dans le rôle du maire Titouan Le Guenec. 1946, naissance de Ed O'Neill, acteur américain vu à la télé dans Marié deux enfants dans le rôle de Al Bundy, la série À la Maison Blanche ou encore la série Modern Family dans le rôle de Jay Pritchett. 1947, naissance d'Alex Brillet, chanteur américain. Comme ça, ça ne vous dit rien, mais vous le connaissez, c'est sûr et certain, puisque c'est lui qui est déguisé en personnage du soldat dans les Village People. Et on va tout de suite s'écouter un extrait de leur titre YMCA. Voilà pour l'extrait des Village People avec leur tube YMCA. On continue les anniversaires, on va rester en 47 avec la naissance également de David Letterman, célèbre animateur, humoriste, producteur de télévision américain. 1955, naissance de Jean-Louis Aubert, chanteur français, connu hein, grâce au groupe Téléphone, mais il mène une carrière en solo et il est revenu avec Les Insus. 1956, naissance d'Andy Garcia, acteur américain vu dans Les Incorruptibles, Le Parrain 3 dans le rôle de Don Vincent Mancini Corleone alias Vinny, vu également dans Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13 dans le rôle de Terry Benedict, La Panthère Rose 2 ou encore Mamma Mia et Here We Go Again. 1971, naissance de Nicolas Brandon, acteur américain connu pour son rôle d'Alexander Harris dans la série télé Buffy contre les vampires, son rôle de Kevin Lynch dans Esprit Criminel et apparu également dans Private Practice. C'est également l'année de naissance de Shannen Doherty, actrice américaine, vue dans les saisons 9 et 10 de La Petite Maison dans la Prairie, dans le rôle de Jenny Wilder, connue pour son rôle de Brenda Walsh dans Beverly Hills, ainsi que quelques épisodes de Beverly Hills Nouvelle Génération, et connue également pour son rôle de Prue Halliwell dans la série Charmed. 1976, naissance de Jérôme Commandeur, humoriste acteur français qui s'est fait connaître à la fin des années 90 en participant à l'émission Graines de Star, vue au cinéma dans Bienvenue chez les Ch'tis, Rien à déclarer, Les Tuches, Superchondriaque, Babysitting 2, Ma famille t'adore déjà dans le rôle de Jean Seb où il est également réalisateur, Les nouvelles aventures de Cendrillon ou plus récemment Gaston Lagaffe. 1978, naissance de Guy Berryman, musicien britannique du groupe Coldplay. 1979, naissance de Claire Danes, actrice américaine vue en 94 dans le film Les quatre filles du docteur Marsh dans le rôle de Bess Marsh, Roméo et Juliette où elle interprétait Juliette Capulet. En 98 dans Les Misérables dans le rôle de Cosette, vu également dans Terminator 3 ou encore la série télé Homeland dans le rôle de Carrie Mathison. C'est également l'année de naissance de Jennifer Morrison, actrice américaine, vue au cinéma dans Miracle sur la 34e rue, Mr. and Mrs. Smith, Star Trek, Star Trek Into Darkness, dans le rôle de Winona Kirk, la mère de James Kirk, connue pour son rôle du docteur Allison Cameron dans la série Doctor House, son rôle d'Emma Swan dans Once Upon a Time et apparue dans quelques épisodes de How I Met Your Mother. 1986, naissance de Marcel Granollers, joueur de tennis espagnol professionnel depuis 2003. En simple, il a été est 19e mondial en 2012, 8e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open, 32e de finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon. En double, il a été numéro 4 mondial en 2013, finaliste à Roland-Garros et à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie, quart de finaliste à Wimbledon et en 2011, avec l'Espagne, il a remporté la Coupe Davis. 1987, naissance de Brandon Urie, musicien américain, chanteur du groupe Panic at the Disco, qu'on écoutera en fin d'émission. 1994, naissance de Saoirse Ronan, actrice irlando-américaine vue dans Lost River. En 2018, dans Mary Stuart, Reine d'Écosse, où elle interprète Mary Stuart. Elle sera bientôt à l'affiche du film Les 4 filles du Dr March, qui va de nouveau sortir en fin d'année, au mois de décembre, sortie prévue. Et elle interprétera le rôle de Jo March. En 1945, décédé Franklin Delano Roosevelt, 32e président des États-Unis en fonction de 1933 à 1945, seul président américain à avoir été élu à 4 reprises. Il n'a d'ailleurs fait que entamer son 4e mandat, emporté par la maladie quelques mois après le début de celui-ci. En 1975, décédée Joséphine Baker, chanteuse française d'origine américaine. On écoute tout de suite un extrait de son titre « J'ai deux amours ». Sur le ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Paris, toujours mon cœur est ravi, ma savane est belle. Voilà pour Joséphine Baker. En 1983, décédé Pierre Richard Wilm, acteur français, membre éminent du Théâtre du Peuple de Busan. En 2001, décédé Hervé Ball, inventeur américain du smiley. Et en 2013, décédé Antoine Veil, homme politique, homme fonctionnaire d'État français, qui fut le mari de Simone Veil. Et en 2015, on apprenait le décès de Patrice Dominguez, ancien joueur de tennis français, entraîneur, dirigeant et journaliste sportif. Tout de suite, on s'écoute le groupe Coldplay avec leur titre Yellow. So to cross for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. Myself trying. Le groupe Coldplay sur le 107FM, un peu plus de 8h49, on parle météo. La météo. Et aujourd'hui, on aura une belle journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages, mais rien de bien méchant. Des températures comprises entre 0 et 1 degré ce matin, entre 9 et 11 degrés pour cet après-midi. Samedi, ce sera des éclaircies pour le début de la journée. On aura de la pluie pour samedi après-midi. Des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 6 et 7 degrés prévus pour demain après-midi. Et dimanche, ce sera de la pluie le matin avec des éclaircies prévues pour dimanche après-midi. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés dimanche matin, entre 7 et 8 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Football, Europa League, Arsenal s'est imposé 2-0 face à Naples et Chelsea s'est imposé 1-0 à Prague. En Ligue 1 ce soir, Dijon reçoit Amiens et Nantes reçoit Lyon. Samedi, Marseille recevra Nîmes, Caen, Angers, Monaco, Reims et Strasbourg, Guingamp. Dimanche, Montpellier recevra Toulouse, Rennes, Nice, Saint-Etienne, Bordeaux et on terminera avec Lille qui reçoit le Paris Saint-Germain. En Ligue 2 ce soir, Metz reçoit Châteauroux et Nancy reçoit Brest. En National 2, samedi, Épinal recevra Sainte-Geneviève. En National 3, toujours samedi, Raon-l'Étape recevra Mulhouse et Thaon-les-Vosges se déplacera à Sarre-Union. Un mot de hockey sur glace avec tout d'abord le mondial féminin et le match d'hier de l'équipe de France qui disputait la 9e et 10e place face à la Suède et les Françaises se sont inclinées 3-2. Côté messieurs en équipe de France, deux matchs amicaux prévus ce week-end. Le premier c'est ce soir, le second ce sera demain et tous deux ce sera contre la Russie. Et du côté de chez nous, en Détroit, quart de finale, retour des playoffs, Épinal reçoit Poitiers. Je vous rappelle qu'à l'aller, Épinal s'était imposé 18-2. Un mot de basket avec donc les playoffs de NBA qui vont débuter demain. Et donc l'équipe de Boston de Yabusele affrontera l'équipe d'Indiana. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier affrontera Toronto. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert affrontera l'équipe de Houston. Et Tony Parker qui se pose des questions sur la suite de sa carrière. Il n'a pas joué avec l'équipe de Charlotte depuis le mois de mars et son équipe ne dispute pas les playoffs. Et donc voilà, c'est vrai qu'il se pose beaucoup de questions pour l'instant. Du côté de chez nous en Pro B, ce soir, Nancy se déplace à Rouen. En National 1, samedi en Playdown, le Jet Vosges recevra Tarbes. Et en National 3, Mirecourt se déplacera à Ozoir, Val d'Europe. Un mot de tennis avec le tournoi de Marrakech. Benoît Paire qui s'est qualifié en 2-7 face à son compatriote Pierre Hugerbert. 6-4, 6-2. Aujourd'hui, Benoît Paire affrontera Mounia. Gilles Simon se reposait à Daniel et Tsonga à Sonego et à Lugano. Aujourd'hui, Ferro affrontera Vogel. Un mot de cyclisme avec ce week-end, le Paris-Roubaix qui, pour succéder à Peter Sagan qui n'est pas au mieux de sa forme en ce moment, eh bien la réponse ce week-end. Il y aura également de la Formule 1 avec le Grand Prix de Chine. Un mot de handball, messieurs, avec les matchs de qualification à l'Euro 2020 où la France s'est inclinée hier soir face au Portugal, 33-27. Les Français pourront prendre leur revanche dès dimanche, toujours donc contre le Portugal, et ce sera à Strasbourg. Et on termine avec le marathon de Paris qui aura lieu dimanche. Il y aura un peu plus de 180 Vosgiens au départ de ce marathon, notamment Laurent Matisse, le coach du Jet Vosges, et mon cousin. Alors allez cousin, j'ai tout cœur avec toi. Allez, c'est tout pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Panic at the Disco et leur titre High Hopes.